السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، شيخ فرحان الله عز وجل أبخي cette longue trêve de je crois que ça fait deux mois ou plus hein. Tout d'abord je voudrais vous remercier pour la patience que vous avez, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cours ici, mais c'était pour les nombreux voyages qu'on a fait en France et en Belgique. Alhamdoulilah, yani, il faudrait peut-être qu'un jour on s'assoie pour que je vous raconte un peu comment ça s'est passé, les expériences que j'ai eues dans ces villes-là, etc. Alhamdulillah, en tout cas, la da'wa salafia, alhamdulillah, en France, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, oulillah, alhamd. Et par là même, je profite encore de l'occasion de remercier les frères qui nous ont accueillis en France, comme les frères de Tulin, les frères de Lyon, les frères de... quand j'en oublie pas, hein, les frères de Nice, les frères de Villerue, hein, et peut-être encore d'autres endroits, les frères de Belgique, de différentes villes en Belgique, etc. Plus les autres frères qui nous ont invités, on n'a pas encore pu se rendre. Il y a au moins 6 ou 7 villes qui sont en attente pour le moment, alhamdoulilah. Donc, les gens sont en demande, alhamdoulilah. Les gens veulent savoir, hein, ils veulent apprendre leur religion, c'est un bon signe tout ça, alhamdoulilah. Et on commence donc aujourd'hui un chapitre qui a pour titre l'obéissance au gouverneur, toujours donc dans le cadre de l'étude des usul de la sunna, usul sunna, les fondements de la sunna de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Hein, l'imam al-Mubajjal Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, expliqué par Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala. Et c'est donc le cours numéro 13, c'est ta'atu wulat al-umur, l'obéissance au gouverneur. Donc c'est un chapitre qui a son importance, et c'est dans la raison pour laquelle l'imam Ahmed a consacré un chapitre entier dans cet épître à cela. Cela fait partie de quoi? Des fondements des gens de la sunna. Et il dit, rahimahullah ta'ala, « وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلْأَئِمَّةِ وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرِ وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةِ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَرَضُوا بِهِ وَمَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. Et dans notre riwaya ici, dans une autre nusra, si vous voulez, dans notre copie de Usul Sunnah l'imam Ahmed, au lieu de ghalabahum, c'est quoi? وَعَلِيَهُمْ. وَعَلِيَهُمْ بِالسَّيْفِ. Alors qu'est-ce que l'imam Ahmed rahimahullah nous dit dans ce chapitre? Il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, et l'écoute et l'obéissance aux dirigeants et aux princes des croyants. N'oublie pas que depuis le début on a dit quoi? Vous vous souvenez de cette phrase-là, hein? On commence toujours par le chapitre par « et ». Pourquoi? Parce que c'est une conjonction de coordination par rapport à ce qu'il y avait déjà avant. Il fait partie des fondements des gens de la sunna, et puis il cite les fondements un par un « et » jusqu'à ce qu'il arrive au chapitre maintenant qui est « et ». L'obéissance... et l'écoute et l'obéissance aux dirigeants et aux princes des croyants. L'obéissant parmi eux, ainsi que le pervers. Et celui qui a le califat, à qui le califat a été donné, et au sujet duquel les gens se sont unis et sont satisfaits de lui. Ainsi que celui qui les a dominés par le sabre. Donc ici, il y a différentes catégories de personnes. Hein? Jusqu'à ce qu'ils deviennent le calife et soient appelés le prince des croyants. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cela? Qu'est-ce que ça veut dire cette parole de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, hein? Et ça fait partie des fondements des gens de la sunna. Il faut bien comprendre cette affaire-là, surtout dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, avec toutes les révolutions, hein? On peut leur donner des noms de fleurs, on peut leur donner tout ce qu'on veut comme nom, hein? Ça ne change pas la réalité. Il y a beaucoup de problèmes dans les pays musulmans aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui appellent à se révolter contre les gouverneurs des musulmans, etc. Donc il convient de bien comprendre ça, il convient ça qu'on apprenne ça nous-mêmes et qu'on apprenne ça à nos enfants, qu'on apprenne ça à nos familles, hein, et que ce soit établi comme un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. Que ce soit compris en tant que tel et connu en tant que tel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'explication de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, il dit والسمع والطاعة لأمير المؤمنين برهم وفاجرهم ومن اجتمعت عليهم الأمة وصل إلى مرتبة الخليفة وصل بالسيف خرج على إمام قبله وتغلب عليه ثم قامت دولته لا يجوز الخروج عليه لأنك إذا خرجت عليه مرة ثانية تخرج مرة ثالثة وتخرج مرة رابعة وتصبح الأمة في صراع من خارج إلى خارج لا الأصل لا يجوز الخروج فإذا سلط الله على هذا الإنسان من خرج عليه وانتصر على دولته وقام على أنقاضه دولة جديدة فيجب أن يقف المسلمون عند هذا الحد ويسلموا القياد لهذا المتغلب. Cheikh Rabi, il explique ce passage-là en disant l'écoute et l'obéissance au prince des croyants. Celui qui est obéissant parmi eux et aussi le pervers. Ce n'est pas qu'ils viennent vous mettre en ambiguïté, dire non, mais s'il est obéissant, d'accord, mais s'il est pervers, non, on ne doit pas lui obéir. Hein? Ici, vous avez le contraire, c'est que qu'il soit obéissant ou pervers, il faut lui obéir, évidemment, dans quoi ? Dans ce qui n'est pas une désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est en raison du hadith, « La ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyati al-khaliq » Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans l'obéissance au créateur. On avait déjà parlé de façon de ça dans quel livre ? Al-Usul Sitta, on avait déjà parlé de ça, mais... C'est une preuve, encore une fois, que Cheikh Mohammed al-Wahhab, il n'est pas venu de ça hein, de lui-même, et que c'est un point qui est connu chez les gens de la Sunna. Et que les gens de la Sunna, quand ils ont écrit leurs épîtres et leurs livres, dans lesquels ils ont compilé la croyance des gens de la Sunna du consensus, ils ont en général consacré hein, un chapitre à cela. Et ils en parlent dans beaucoup de livres, notamment dans Usul Sittah de Cheikh Mohammed al-Wahhab, notamment dans Usul Sunna, dans Sharh Sunna al-Barbahari, dans d'autres livres. L'écoute et l'obéissance au prince des croyants, celui parmi eux qui est obéissant, et aussi le pervers, celui au sujet duquel la communauté s'est unie, regroupée, et est arrivée au degré de calife. Il y est arrivé par le sabre. Il s'est rebellé contre un gouverneur qui était avant lui, et l'a vaincu, puis son état s'est établi. Il est interdit de se rebeller contre lui. C'est-à-dire que si quelqu'un s'est rebellé contre un gouverneur par le sabre, et il a pris le pouvoir il est établi, c'est à lui maintenant. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Hein ? Eh bien, il s'est établi par le sabre, on doit quand même quoi ? On doit quand même lui obéir et l'écouter. Et Cheikh, il dit, il est interdit de se rebeller contre lui. Car si tu te rebelles une deuxième fois, tu le feras une troisième fois et une quatrième fois. Et la communauté sera alors dans une lutte d'un rebelle à un autre. Non, la base, le fondement est qu'il est interdit de se rebeller. Si Allah envoie donc quelqu'un contre cet individu qui se rebelle et vainc, contre son état et que s'établit sur ses décombres un nouvel état, les musulmans se doivent alors obligatoirement de s'arrêter à cette limite et de donner les rênes à cette personne qui a pris le dessus. C'est pour ça que le mot en arabe ici il a été utilisé, c'est retenez-le, al-mutaghallib. C'est pour ça que l'imam Ahmad il a dit wa man ghalabahum, celui qui les a dominés par le sabre, ça a lui le pouvoir, eh bien, de lui obéir et l'écouter. Hein? Dans une autre version, on a dit quoi ? Aliyahum, c'est-à-dire qu'il est au-dessus d'eux, il s'est élevé au-dessus d'eux, c'est-à-dire que c'est lui le qui est en pouvoir maintenant, qui est au pouvoir, eh bien, on n'a pas le choix, on se doit d'écouter et d'obéir. Il dit, les musulmans se doivent alors obligatoirement de s'arrêter à cette limite et de donner les rênes à cette personne qui a pris le dessus. Et puis il continue son explication et il dit, Hafidahullah ta'ala, celui qui prend le dessus, que ce soit par la voie du choix, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ait choisi, et de la consultation, ce qu'on appelle comme en arabe, al-shura, la consultation, et de l'allégeance, comme on appelle al-bay'a, ou par la voie de la domination en arrivant au pouvoir par le sabre, et qu'il est une force, et qu'il est une puissance, qu'Allah vous bénisse, il t'est obligatoire de te soumettre, il t'est obligatoire de te soumettre à lui, et que le sang des musulmans soit préservé, et cela qu'il soit quelqu'un d'obéissant ou un pervers. Lui obéir est obligatoire dans les deux cas, le Cheikh il dit. Et هذا المتغلب سواء جاء عن طريق الاختيار والشورى والبيعة او جاء عن طريق الغلبة وصل الى الإمارة بالسيف واصبح له شوكة واصبح له قوة بارك الله فيكم يجب ان تسلم له وتحقن دماء المسلمين فهذا سواء كان برا او كان فاجرا تجب له الطاعة. Et puis regardez ce qu'il va dire ici, il dit « وَانْضُرِ إِلَى الْإِمَامِ أَحْمَدِ وَانْضُرِ إِلَى الْبُخَارِي وَانْضُرِ إِلَى أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ جَمِيعًا يَجْعَلُونَ هَذَا أَصْلًا مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ طَاعَةُ وُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ وَسَوَاءٌ كَانَ بَرًّا أَوْ فَاجِرًا » Et c'est ça que je voulais depuis le début du cours, et si j'essaie d'attirer votre attention sur quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas discutable. C'est quelque chose qui fait preuve de consensus, d'unanimité chez les gens de la sunna. Que n'est pas un qui veut vous mettre des ambiguïtés, mais après, d'accord, certains ulama m'ont dit ça, mais il y en a d'autres qui disent autre chose. Non, ça c'est un point d'unanimité, un point de consensus. Donc toute personne, comme l'avait dit l'imam Ahmed au début, et comme l'avait dit Cheikh Rabia, toute personne qui contredit cela, est-ce qu'on le considère parmi les gens de la sunna? Non. Et il dit, regarde l'imam Ahmed, regarde l'imam al-Bukhari, regarde tous les guides de l'islam, vous avez entendu la parole de Cheikh Rabia, tous les guides de l'islam, tous les imams de l'islam, ils ont fait de cela un fondement parmi les fondements de l'islam. L'obéissance au gouverneur des musulmans est un fondement des fondements de l'islam. Et qu'ils soient obéissants ou pervers et débauchés. Évidemment, ce fondement-là, les gens de la sunna, sur quoi ils le basent? Sur le Coran. Et sur la sunna. Et sur la compréhension des sahaba, radiallahu anhum, ardahum. Et on va voir ça dans la deuxième partie du cours, inshallah. Très bientôt d'ailleurs. Inshallah, on va voir les hadiths qui prouvent cela. Quelle guidance le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé dans le cas où on pourrait rencontrer un gouvernant qui n'est pas juste, qui est injuste et qui est quelqu'un qui opprime et qui est un tyran. Malgré cela, comment doit se comporter? On va le voir dans un instant, inshallah. Cheikh il dit wal khawaj wal rawafid wa ghayruhum qad yuwafiqunahum idha kana barra wa qad la yuwafiqunahum idha kana Abu Bakr laysa barran 'inda al rawafid wa Umar kadhalik laysa barran 'inda al rawafid wa Ali laysa برا عند الخوارج لكن الصفات في العموم لا يخالفون فيها كونه برا لكن يخالفون في الفاجر الخليفة الفاجر الجائر الظالم الفاسق هذا ما دام لم يخرج من دائرة الإسلام فلا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله حتى تروا الكفر البواح والحديث رواه مسلم في صحيحه. Et après on va rapporter le titre du chapitre, vous allez voir que rien que le titre du chapitre il est clair, il est évident. Cheikh il dit فلا يجوز الخروج عليه مهما بلغ من الفسق. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Rabi ici? Il dit il se peut que les khawarij et les rawafid et d'autres soient d'accord avec eux quant à l'obéissance, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord, ils vont dire non, ok. Le gouverneur qui est obéissant, on comprend. Et ils ne sont pas d'accord quant à Abu Bakr. Car pour les Rawafid, il n'était pas quoi? Il n'était pas quelqu'un d'obéissant, Abu Bakr. Ainsi que Omar, car il n'est pas obéissant chez les Rawafid. Et Ali n'est pas obéissant pour les Khawarij. Mais en ce qui concerne les caractéristiques en général, c'est-à-dire quelqu'un d'obéissant, même si certaines personnes qui sont les meilleures parmi les gens de la communauté, comme Abu Bakr qui est le meilleur, la communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Rawafid ne le considèrent même pas lui-même comme obéissant, de toute façon. Mais sur les caractéristiques, le Cheikh il dit, en ce qui concerne les caractéristiques en général, ils ne sont pas en désaccord quant à celui qui est obéissant. Ils sont en désaccord quant à celui qui est pervers, qui est débauché, qui est pervers. Le calife qui est débauché, injuste, pervers, celui-là, tant qu'il n'est pas sorti de l'islam, il n'est pas permis de se rebeller contre lui dans quelque situation que ce soit. Alors ici, attention, il y a peut-être quelqu'un qui va dire « Ah, mais on a compris de la parole du frère ici, de la parole du cheikh, que quoi ? Ça veut dire que quand il n'est pas musulman, on peut se rebeller. » Il y en a qui peuvent comprendre ça comme ça. Mais il y a des conditions à cela. On en a déjà parlé dans le dars qu'on avait fait à l'époque, quand il y avait les débuts de la révolution, vous vous souvenez, on avait fait un dars de Cheikh Mohamed Ben Hadi al-Madkhali, on l'a fait en trois leçons en français. Il avait expliqué les conditions sont très strictes. Et c'est qui sait quand les conditions sont réunies ou pas ? Et quand il y a un bien ou pas ? Et quand il y a bien le faire ou pas, etc. Et quelles sont les conditions? Et qui doit faire cela, etc. C'est qui? Eh bien, c'est les enracinés dans la science. C'est à eux, et uniquement à eux, qu'on revient dans les situations de calamité qui touchent la communauté. Dans les situations qui touchent la Oumma, qui touchent la communauté, on ne revient pas au premier frère venu, on ne revient pas à l'imam du coin, non, on revient à qui? On revient aux gens de science qui sont enracinés dans la science, et les kibar parmi les gens de science, les grands parmi les gens de science. Cheikh, il dit beaucoup, donc il n'est pas permis de se rebeller contre lui, le calife qui est débauché, injuste, pervers, celui-là, tant qu'il n'est pas sorti de l'islam, il n'est pas permis de se rebeller contre lui dans quelque situation que ce soit. Et on a dit aussi, on a rajouté par rapport à ce que les ulama disent, que même s'il n'est pas musulman, il y a des conditions qui sont très strictes. et qui doivent être respectés. Et on le voit dans l'histoire, si vous êtes dans l'histoire, à chaque fois que ça a été fait sans condition, etc., sans revenir au ulama, eh bien on voit le résultat. Beaucoup de hadiths ont été rapportés à ce sujet parmi eux. Ça, c'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, maintenant. Nous avons prêté allégeance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur le fait d'écouter et d'obéir dans l'aisance et dans la difficulté, et dans ce qui est aimé et dans ce qui est détesté, et dans le fait que d'autres recevraient plus dans le butin. C'est-à-dire quoi ? Ala atharatin alayna. On va l'expliquer d'une autre manière plus loin. Ala atharatin alayna, c'est-à-dire que le gouverneur, comme on va le voir dans un instant, il va garder l'argent pour lui ou aux gens qui sont proches de lui, qui l'aident, etc. Il ne va pas le donner aux autres. Et c'est ça qu'il a expliqué ici, Cheikh Falah Ismail. Hein, il a une très belle épître. Je ne sais pas si vous l'avez ou vous avez entendu parler. Parce que Cheikh, quand il est venu ici, il avait donné quelques copies aux frères. Hein, c'est Isma'u wa Ati'u. C'est une conférence qu'il a fait au Koweït, qu'ils ont fait un peu partout au Koweït. Lui, il est Mashir d'Ahl Sunna là-bas, quand il y a eu les révolutions. Et ils en ont fait un épître qui s'appelle Isma'u wa Ati'u. Et les Al-Bida'a, ils n'étaient pas contents d'ailleurs. Mais ça va, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Isma'u wa Ati'u. Écoutez et obéissez. Ils n'étaient pas contents avec ça. Alors que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Falah, dans cette cour-là, il expliquait ala atharatin alayna, et dans le fait que d'autres recevraient plus que nous dans le butin. Et il a donné comme référence, si vous voulez avoir une référence pour savoir cela, pour voir cela plus en détail, c'est l'Itisam, volume 1, page 71, et c'est de qui l'Itisam de l'imam Ash-Shatibi, rahimahullah ta'ala. Donc je relis le hadith et on continue. Qu'est-ce qu'il a été rapporté dans la sunna, dans Sahih Muslim, comme on l'a dit, nous avons prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de quoi ? Et regardez, c'est le titre du chapitre qu'on est en train d'étudier maintenant. D'écouter et d'obéir dans l'aisance et dans la difficulté, et dans ce qui est aimé et dans ce qui est détesté, et dans le fait que d'autres que nous recevraient plus dans le butin. C'est-à-dire que même s'il y a une injustice qui t'est faite, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois obéir. Et que nous ne nous disputions pas l'affaire à ces gens. Tant que vous ne voyez pas une mécréance en public. Rapporté par Muslim, numéro 1709. Écoutez le chapitre de l'imam Muslim dans son sahih, où ce hadith là est rapporté. Hein? Regardez le titre du chapitre. Chapitre de l'obligation d'obéir au gouverneur dans autre que la désobéissance et son interdiction dans la désobéissance. C'est-à-dire que tu obéis au gouverneur dans l'obéissance à Allah. Et tu n'obéis pas au gouverneur dans la désobéissance à Allah. On avait cité une preuve du Coran. Qui s'est cité une preuve du Coran par rapport à ça? Je vais oublier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cours. Dans Usul Sita, on avait déjà cité ce verset, on avait bien expliqué ça. Que ta'atulat l'umur, elle est muqayyada, elle n'est pas mutlaqa. Elle n'est pas absolue, elle est restreinte. Pourquoi? Le verset est clair du Coran. Ya ayyul ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Vous voyez, c'est en arabe, le verbe il n'a pas été répété la troisième fois. Obéissez à Allah, le verbe il est répété, et obéissez au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, obéissez au messager et aux gens de qui détiennent le pouvoir parmi vous. Le verbe il n'a pas été répété. Et le ulama dit c'est une indication pour montrer que l'obéissance à Allah et à son messager elle est absolue. Tu obéis, dans tous les cas. Hein? Tandis que l'obéissance au gouverneur, elle est restreinte. C'est quoi la restriction qui est faite? Vous suivez ou pas, les frères, hein? Donnez-moi des signes de vie de temps en temps. Hein? Que l'obéissance au gouverneur, elle est restreinte. C'est quoi la restriction? Vous suivez ou pas? Vous dites oui après. Voilà, que ce soit pas dans la désobéissance. Voilà, c'est ça au frère Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Hein? Que ce soit bien compris. Le cheikh, il dit, et il termine ce point en disant, il n'est donc pas permis de se rebeller contre lui, quel que soit son niveau de perversité. Et puis il cite des preuves de la sunna, il dit, comme fi hadithi Ummi Salama, innahu yustamalu alaykum umara, fata'rifun wa tunkirun, faman ankara faqad salima, wa man kariha faqad bari'a, walakin man radiya wa taba'a. Qalu, afala nuqatiluhum ya Rasulallah? قال لا ما صلوا والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة فما داموا يصلون فلا يجوز الخروج عليهم. كيف إذا كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويؤمن كل هذه الأمور للمسلمين ويؤمن لهم الطرق وإلى آخره؟ كيف هذا؟ أين نحن الآن من الثوريين الموجودين الآن؟ أين هم من قوله لا ما صلوا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ينهاهم لا ما صلوا، مع أنهم فرطوا في كثير من الإسلام وقال لا ما صلوا، لا ما قال لا ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا إلى آخره، قال لا ما صلوا. لماذا؟ لأن الخروج يترتب عليه مفاسد: ضياع الإسلام، ضياع المسلمين، إهلاك الأمة وإهلاك الحرث والنسل وانتهاك الأعراض وإذلال المسلمين وإضعافهم حتى يصبح لقمة سائغة لأدائهم. إذا خروج بعد خروج بعد خروج إلى آخره. الشيخ ربيع حفظه الله يقول Et comme cela a été rapporté dans le hadith de Umm Salama radhiyallahu anha wa ardaha, des princes vous seront établis, vous approuverez et vous réprouverez. Celui qui réprouve sera sauf, et celui qui déteste sera innocent. Mais c'est celui qui agrée et suit. Il dira alors, regardez la question comme elle a été posée de manière claire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dira alors, ne devrions-nous pas les combattre alors au messager d'Allah? C'est quoi la réponse du prophète alayhi wa sallam? Il dit non. Tant qu'il prie. Rapporté par Muslim, numéro 1854. Donc, tant qu'il prie, il n'est pas permis de se rebeller contre eux. Qu'en est-il alors s'il prie et jeûne et donne la zakat et fait le pèlerinage et assure toutes les affaires aux musulmans et lui rend les chemins sûrs, etc. Qu'en est-il donc? Et d'ailleurs, il y a des gens, l'a'idhu billah, quand on cherche un refuge en Allah contre cela, qui disent que Bilad Touhid, même la Arabie Saoudienne, c'est un pays de polythéiste. Et ce sont des associateurs et que les gouvernants sont des koufars et des mouchriquins et que le pays, ce n'est pas un pays musulman. Et certains, par contre, ils se délectent dans les rues de Londres. Ils préfèrent vivre dans les rues de Londres que dans les villes de Mecca et de Médina. Vous voyez le nihiraf dans l'aqida, la déviance dans l'aqida qu'on peut amener. Subhanallah. Et vous savez tous, c'est qui a établi l'université de Médine? C'est qui a financé tout ça? C'est qui? C'est pas le Hukam d'Arabie Saoudite? Pourquoi? Pour enseigner le Tawhid et la Sunna aux gens. Et non seulement pour leur enseigner, mais pour qu'après ils la diffusent et la propagent dans leur pays. Ils propagent la Da'wah de l'Islam, ils propagent la Da'wah de vérité. Ils propagent le Tawhid. Ils mettent en garde contre les shirk. Ils propagent la Sunna, ils mettent en garde contre la Bid'a. Et les Masahif, le Coran et les livres qui sont publiés, et on en passe. Combien d'argent? Et le Hajj, et l'Umrah, etc. Toutes ces choses-là qui sont faites, pourquoi? Pour le musulman et pour l'islam. Et après, on va dire que ce sont des mouchriquins. Wal'adhu billah min dhalik. Donc, Cheikh, il dit, donc, tant qu'il prie, il n'est pas permis de se rebeller contre eux. Qu'en est-il alors s'il prie et jeûne et donne la zakat et fait le pèlerinage et assure toutes ses affaires aux musulmans et lui rend les chemins sûrs, etc. Qu'en est-il donc, le Cheikh, il dit? Où sommes-nous alors aujourd'hui des rebelles présents, qui sont là aujourd'hui? Où sont-ils quant à sa parole, non tant qu'il prie? Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, leur a interdit en disant non tant qu'il prie. Non, il n'a pas dit tant qu'ils accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, et font le pèlerinage, etc. Il dit non tant qu'il prie. Pourquoi? Car la rébellion a beaucoup de conséquences néfastes. Cheikh dit une perte de l'islam, une perte des musulmans, une perdition de la communauté, une perdition de tous les biens, une violation de l'honneur des gens, etc., etc. Et une humiliation et un affaiblissement des musulmans jusqu'à ce qu'ils soient livrés en pâture à leurs ennemis. Et vous le voyez de nos jours. Il ne faut pas aller très loin. Il faut juste voir de nos jours qu'est-ce qui se passe dans certains pays qui ont voulu se révolter, qui ont voulu, qui ont transgressé la sunna. Voilà le résultat. Est-ce qu'ils sont arrivés à leur but? Ils ne sont pas arrivés à leur but. Cheikh dit une rébellion, donc après une rébellion, etc. Et par rapport à ce qu'il a dit, Cheikh Rabih, ça me rappelle une parole de Cheikh Mohamed Amel Jami, rahimahullah. Il a dit, je ne sais pas ce qu'ils veulent ces gens-là. Est-ce qu'ils veulent que les gouverneurs soient des anges descendus du ciel? Il a dit, le gouverneur, il doit être parfait, il doit faire aucune erreur. Ils veulent le califat d'Abu Bakr. Comme les ulama disent, si tu veux le califat d'Abu Bakr, sois toi comme les gens, le peuple qui était à l'époque d'Abu Bakr. Cheikh, il dit, الآن يا إخوة يا إخوة، هؤلاء الثوريون قامت لهم دولة عن طريق الانقلابات وعن طريق الانتخابات وعن طريق كذا وكذا. ماذا صنعوا؟ ماذا حققوا من الشعارات هذه؟ من أبعد الناس عن تطبيق الشريعة الإسلامية، بل يزيدون على الحكام الآخرين منحرفين بعقد مؤتمرات وحدة الأديان وتشييد الكنائس وتقريب النصارى وإذلال المسلمين وإفقارهم وإهلاكهم في دينهم ودنياهم. والله وصلوا عليكم السلام ورحمة الله، والله وصلوا بالانتخابات، وصلوا بالانقلابات، ووصلوا بشتى الأمور، وشاركوا في وزارات، كله كلام فارغ ما تميزوا على غيرهم في شيء. إذن لا نثق في هؤلاء، هؤلاء همهم الوصول للكراسي بأي حال من الأحوال، ثم بعد ذلك يديرون ظهورهم إلى الإسلام كما جربتم وعرفتم هنا وهناك في بلدان كثيرة، ثم أحيانا يأتون بانقلاب اسم الإسلام فينقلب عليهم الشيوعي أو أي منهج ضال آخر. إذن الحكمة في توجيهات هذا الشارع الحكيم الرحيم الرؤوف الشجاع البطل والذي يربي الأمة على الشجاعة، لكن في هذا الباب يقول لهم اصبروا مهما رأيتم إلا الكفر. Cheikh dit aujourd'hui, mes frères, ces rebelles ont établi des états au moyen de coups d'état et au moyen des élections, etc. Qu'ont-ils fait? Lesquels de ces slogans ont-ils réalisé? Et ce livre-là, il a été publié. Hein, ce cours-là, il a été fait avant de certaines, hein, certains événements, certaines, comment on dit ça, certains événements de actuels, hein, et certains événements contemporains maintenant. Hein, et Sharia, Sharia, les slogans, les grands sont Sharia, Sharia. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils oublient Sharia. Et ils promettent, ils disent non, ne vous inquiétez pas, on ne va pas appliquer Sharia. Cher, il a raison. D'ailleurs, certains mecs, ils disent que l'Ikhwan Muslimin, le groupe d'Ikhwan Muslimin, c'est une échelle que certains utilisent pour monter au pouvoir et après qu'ils délaissent. Cheikh dit, qu'ont-ils fait? Lequel de ces slogans ont-ils réalisé? Ils font partie des gens les plus éloignés de l'application de la législation islamique. Mais de plus, hein, de plus, ils ont en plus des autres gouverneurs égarés l'organisation de séminaires sur l'unité des religions, l'édification d'églises, le rapprochement avec des chrétiens, et l'humiliation des musulmans, leur appauvrissement, le fait de les vouer à la perte dans leur religion et dans les affaires de ce bas monde. Par Allah, ils sont arrivés au moyen des élections, ils sont arrivés au moyen des coups d'État, ils sont arrivés par toutes sortes de moyens, ils ont participé à des ministères. Tout cela sont des paroles vides et ne se sont pas distingués des autres en quoi que ce soit. Chérie, donc nous ne faisons pas confiance à ceux-là. Ceux-là, leur but, c'est d'arriver à quoi? Hein? Au trône, de quelque manière que ce soit, puis ils tournent le dos à l'islam. Et comme vous le savez, et vous avez pu le voir, et nous on rajoute quoi comme on peut encore le voir de nos jours? Ici et là, dans beaucoup de pays. Puis parfois, ils commettent des coups d'État au nom de l'islam. Puis ensuite, se rebellent contre eux, un communiste, ou toute autre méthodologie égarée. Hein? Et comme on va le voir dans un instant, vous voyez que sharia, sharia, sharia, alors que le principal dans la sharia, c'est quoi? C'est quoi le principal? Je vous pose la question, c'est quoi? C'est quoi qui doit être appliqué en premier? C'est l'aqida, na'am. Hein? Et où est-ce qu'ils sont par rapport au tahakoum ila, hein? Le kitab wassun dans l'aqida? C'est ce que dit Cheikh Raslan et d'autres mashayikh. Hein? Ils appellent le sharia, sharia, et la base des bases, l'aqida, ils ne sont pas d'accord. Et, hein? Il faut appliquer le sharia là-dedans, ils ne veulent pas revenir au courant de la sunna. On va le voir dans un instant en détail, Inch'Allah, dans la parole du Cheikh Rabia. Cheikh dit donc la sagesse. Et est dans les orientations de ce législateur sage et miséricordieux, doux, courageux, héroïque, qui éduque la communauté au courage, alayhi salatu wassalam. Mais ici, à ce sujet, il leur dit, patientez, quoi que vous ayez vu, sauf la mécréance, il le kufr. Maintenant, Cheikh va rapporter des preuves de tout ce qu'il a avancé. Il dit, il y a des hadiths que je vous cite afin qu'ils soient enregistrés. وهذه هنا أحاديث أسوقها لكم حتى تسجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كما هلك كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر. قالوا وما تأمرنا؟ قال فوا ببيعه الاول فالاول واعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم. والحديث متفق عليه. كيف ان الله سائلهم عما استرعاهم؟ ما قال حاسبوهم، ثوروا عليهم، اخرجوا، خذوا حقكم. لان بعد الثوريين من كبار هؤلاء الثوريين يقول: ما ننتظر الفرج ياتينا من السماء، لابد ان ناخذ حقنا بايدينا. ايها الجماهير، خذوا حقكم بايديكم، انه لن تمتد اي يد بهذا الحق. شيخ لي دونك il y a des hadiths que je vous cite afin qu'ils soient enregistrés. Premier hadith qu'il va citer, on ne va pas tous les faire aujourd'hui parce que on n'aura pas le temps de tous les faire, ça va être trop long pour vous. D'après Abu Hurairah, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les fils d'Israël étaient gouvernés par leur prophète. Vous avez vu le verbe ici? Tasousuhum. Siyasa, hein? Tasousuhum. D'accord? C'est le fait de gouverner, la gouvernance, le fait de gouverner. Hein? Les fils d'Israël étaient gouvernés par leur prophète. Chaque fois qu'un prophète mourait, un autre prophète lui succédait, et il n'y a pas de prophète après moi. Et il y aura beaucoup de califes. Ils dirent, et que nous ordonnes-tu? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, acquittez-vous de l'allégeance envers le premier. En arabe ici, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-awwal fal-awwal. Ça, il faut revenir à l'explication de l'imam Nawawi rahimahullah dans son explication de l'authentique de Sahih Muslim, al-minhaj, fi sharhi Sahih Muslim, ibn al-Hajjaj. Il a dit que le sens de cela est que l'allégeance est faite à un calife, que si l'allégeance est faite à un calife après un autre, l'allégeance au premier est correcte et l'allégeance au deuxième est fausse et nulle. Imaginez-vous maintenant qu'un gouverneur, voilà, on lui fait l'allégeance. Puis un autre qui vient, qui veut le pouvoir. Est-ce qu'on peut lui faire l'allégeance? Cheikh, il dit ici, l'imam Nawawi rahimahullah, il a dit que c'est le premier. L'autre, elle est nulle et elle n'est pas correcte, l'allégeance au deuxième. Hein? Donc vous connaissez que s'il y a déjà un gouverneur et qu'un autre qui vient lui... Elle dispute ce pouvoir. Qu'est-ce qu'elle a dit, prophète sallam? Fadribo, onuq al-akhar, trancher le cou du de l'autre. Et il est obligatoire de s'en acquitter et il lui est interdit. Donc on a dit quoi? Je répète cette phrase-là parce qu'elle est importante. Que le sens de cela est que si l'allégeance est faite à un calife après un autre, l'allégeance au premier est correcte. Et il est obligatoire de s'en acquitter. Et l'allégeance au deuxième est fausse et nulle et lui est interdit de la demander. C'est ça que ça veut dire le hadith ici qu'elle a dit fal awwal fal awwal. Maintenant la suite du hadith, et donnez-le leur droit et Allah les questionnera au sujet de ce qu'il leur a donné comme responsabilité. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit donnez-le leur droit et Allah azza wa jalla les questionnera sur la responsabilité qui leur a été donnée. C'est qui a dit ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit la yantiqu anil hawa in huwa illa Wahiyuha. Le prophète Sarsim ne parle pas de ses propres passions, il parle avec la révélation. Et ce hadith-là, il est rapporté par le Bukhari numéro 3455 et Muslim numéro 1842. Ils font donc partie des hadiths qu'on appelle Muttafaq Aleyha, qui font partie des hadiths les plus authentiques. Cheikh, il dit, comment Allah les questionnera au sujet de ce qu'il leur a donné comme responsabilité? Il n'a pas dit jugez-les, révoltez-vous contre eux, rebellez-vous. Prenez votre droit, car certains rebelles parmi ces grands rebelles disent, écoutez, c'est des paroles qu'on entend, hein? Nous n'allons pas attendre que la délivrance nous vienne du ciel. Il y a certains d'entre eux, quand tu lui dis, ah, patient, fais doa, ils se moquent de toi. Fais, avec quoi tu viens de doa? Subhanallah. Le prophète s'assume les doa ou l'ibad. Hein? Regardez le bid'a, quoi, elle peut amener. Ils disent, certains d'entre eux, nous n'allons pas attendre que la délivrance nous vienne du ciel. Nous devons de prendre notre droit nous-mêmes. Ô vous les gens, prenez votre droit de vos propres mains, car aucune main ne se tendra pour prendre ce droit. Cheikh, il dit, La ghirata ala dinillah, wa ala ala l'ummah, wa aghiru al-nas Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Qala li sa'din, wallahi ana aghiru mink, wa wallahu aghiru minni. Lama qala sa'd, ara'ayta, إذ وجدت رجلا مع زوجتي آتي بأربعة شهود والله لأضربنه بالسيف غير مصفح قال أتعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير منه والله أغير مني من أجل ذلك حرم الفواحش. والحديث متفق عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم غيور على دين الله وغيور أن تتفشى المنكرات والفواحش أغير منا ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. لست أنت الذي تحاسبه، انصحه بالمعروف إن سمع، وإلا أديت واجبك وعليك بالصبر ما دام يصلي. نحن لا نقول هذا من عند أنفسنا، لكن هذه ثقيلة على ما سمع هؤلاء وشاقة على نفوسهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شيخ يقول ils n'ont pas de jalousie pour la religion d'Allah et pour la communauté. Et le plus jaloux des gens était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Saad, par Allah, je suis plus jaloux que toi. Et Allah est plus jaloux que moi. Qu'est-ce qu'il a dit ça à Saad? Hein? Il dit ceci à Saad, quand Saad lui dit, vois-tu, si je venais à voir un homme avec mon épouse, j'amènerais 4 témoins. Par Allah, je le taperais du tranchant de mon épée. Hein? Quand vous regardez dans les livres de hadith, l'explication de Saif al-Musaffah, ça veut dire du tranchant de l'épée. Parce que vous avez le plat de l'épée et vous avez le tranchant de l'épée. Hmm? Par Allah, je le taperai du tranchant de mon épée. Il dit, c'est-à-dire qui? Le messager d'Allah, il a dit, vous étonnez-vous de la jalousie de Saad? Par Allah, je suis plus jaloux que lui et Allah est plus jaloux que moi. Et c'est pour cette raison qu'il a rendu les turpitudes illicites. Hmm? Et quand on parle de jalousie ici, c'est la jalousie envers la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, envers le haqq. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 7461, et Muslim, numéro 1499. Et c'est donc un hadith muttafaqun alayh. Et le cheikh, il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est donc rayour en arabe. Hein? Très jaloux, en ce qui concerne la religion d'Allah. Et très jaloux que les turpitudes et les choses blâmables se répandent. Plus jaloux que nous. Et malgré cela, il dit, c'est pour ça qu'il a amené ça, le cheikh, ici, donnez-le leur droit, et Allah les questionnera au sujet de ce qu'il leur a donné comme responsabilité. Ce n'est donc pas toi que le juge, mais certaines personnes peut-être qui croient, hein, ou ce qu'ils font sans même peut-être qu'ils se rendent compte, il implique qu'ils se, hein, qu'ils soient quoi, qu'ils se prennent pour quelqu'un de plus jaloux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-Azim. Ce n'est donc pas toi qui le juge, tu le conseilles, s'il écoute, tant mieux, sinon tu te seras acquitté de ton obligation. Et tu te dois de patienter tant qu'il prie. Cher, il dit, nous ne disons pas cela de nous-mêmes. Malgré cela, cela trouve cela lourd à entendre et difficile à accepter pour leurs âmes. Et puis, c'est un verset du Coran sur le fait de l'obligation de se soumettre à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit un verset dont la traduction du sens est « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. » Surat Nisa, verset 65. Cheikh il dit, « Yunaduna bil hakimiyya thumma la yuhakkimuna Allah wa la yuhakkimuna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ahl bid'a yaquluna bil hulul wa wahdatil wujud wa kaffiruna al-ummah wa yaquluna bi khalqil Qur'an. لا يحكمون حكم الله ولا يرضون بالرجوع إلى حاكمية الله في مثل هذه القضايا فهم من أبعد الناس لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله وهم من أشد الناس تمردا على حاكمية الله سبحانه وتعالى وعن الاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث هذا لعب عندهم هذا تأييد للكفار والملاحدة. شيخ الدين ils appellent donc الحاكمية puis ne se soumettent pas au jugement d'Allah سبحانه وتعالى ni se soumettre au jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de l'innovation disent qu'Allah est toute chose, hein, étant toute chose. Vous connaissez cette aqidah qu'on appelle quoi? Aqidah al-hulul. Ils disent que Allah est en toute chose et ils disent que toute chose est Allah. Il y a une différence entre les deux, hein. Si vous voulez avoir plus de détails, on a traduit une fatwa de Cheikh Rabi' où il explique la différence entre al-hulul et wahdat al-wujud. Al-hulul, c'est que halla fi shay. Ils disent que Allah est en toute chose, wa la'adu billah. Tandis que Wahdat al-Wujud, tu dis que toute chose est Allah. Et ils jugent la communauté comme étant mécréante. Ils disent que le Coran est créé. Ils ne se soumettent donc pas au jugement d'Allah. Et ils n'acceptent pas de revenir au jugement d'Allah dans ce genre d'affaires. Hmm? Et toutes les affaires qu'il a citées, ces affaires qui sont liées à quoi? Hein? Au domaine de... Vous êtes là, les frères, ou pas? العقيدة بارك الله فيك. Chers, ils disent, ils sont donc parmi les plus éloignés des gens. Le jugement n'appartient qu'à Allah, ils disent. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Ils disent cela lorsqu'ils font cela, alors qu'ils font partie des gens qui s'insurgent le plus contre le jugement d'Allah et contre le fait de se soumettre au jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Chers, ils posent la question, ils disent, ces hadiths, est-ce un jeu? Pour eux, c'est un soutien aux mécréants et aux athées. Quand ils leur disent, Ali, Dieu, vous soutenez les mécréants, vous soutenez les athées. Il y a un crédit des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu racontes? Puis c'est encore un autre hadith après celui de hadith d'Umm Salama, il dit, ثم عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها أثرة يستأثر بالأموال والمناصب ولمن يؤيدونه ومن أنصاره وحاشيته وأقربائه ويبقى الناس في فقر ماذا يصنعون هذا ظلم هذا حكم بغير ما أنزل الله ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله إليه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ماذا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعرفوا بكتاب الله وأعرفوا بدين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام ومن أئمة الهدى من في كل زمان ومكان وإنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم والحديث متفق عليه Cheikh, il dit donc un autre hadith, une autre preuve de ce qu'on avance depuis le début du cours, qui est sur l'obéissance au gouverneur des musulmans, qu'il soit obéissant ou pervers. D'après Zayd ibn Wahb, que Abdullah ibn Mas'ud a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura après moi, vous avez ce mot-là, on l'a déjà défini, atharatun. C'est-à-dire une préférence. Hein, Cheikh Falah Ismail expliquait en disant quoi que il donne plus de butin hein, qu'à d'autres. C'est-à-dire qu'il préfère. Cheikh, il va l'expliquer dans un instant, Cheikh Rabi aussi. Il y aura après moi une préférence et des choses que vous réprouverez. Cheikh, il explique le mot préférence, atharatun. C'est-à-dire qu'ils s'approprient l'argent pour eux-mêmes et les. Prennent pour eux et ceux qui les soutiennent et les aident, et leurs proches et leur entourage. Alors que les gens restent dans leur pauvreté. Que font-ils? Cela est une injustice, c'est un jugement autre que ce qu'Allah a révélé. Est-ce que ça, c'est jugé avec la loi d'Allah quand tu fais ça? Non. Que dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à qui Allah a révélé? C'est dans la traduction du sens est et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Sourate Al-Ma'ida verset 44. Que dit à leur sujet le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Cheikh, il dit, êtes-vous plus savant du livre d'Allah et de la religion d'Allah que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que ses nobles compagnons et que les imams de la guidée à toute époque et à tout endroit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, et il y aura après moi une préférence et des choses que vous réprouverez, des choses que seul Allah sait, le cheikh il dit. Il dit, ô messager d'Allah, qu'ordonnes-tu à celui d'entre nous qui atteindra cela? Vous savez, la description elle est claire. Il va y avoir hein, une injustice, une préférence, ils gardent l'argent pour eux et pour les gens qui sont proches d'eux. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire? Il dit, acquittez-vous du droit qu'ils ont sur vous, et demandez à Allah votre droit. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 3603, et Muslim, numéro 1843. Hein? Alors, quand on dit ça, hein? C'est comme il y en a un qui tourne ici un peu dans les rues de Birmingham, là, il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein? Il ne fait pas le salam. Il dit quand. Et des frères ont dit ah, t'es de Belgique, hein? Tu connais Mehdi, etc. Il dit oh, lui, il est avec le gouverneur, lui. Il est sur moi. Hein? Alors, on est avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La réponse du prophète Azam est claire, c'est le hadith d'un Bukhari ou musulman. C'est toi, tu ne veux pas être avec le prophète Azam, c'est ton problème à toi. Hein? Chéri, dis donc, tu n'entres pas, je voudrais la référence du hadith rapporté par le Bukhari numéro 3603 et musulman numéro 1843. C'est donc un hadith, encore une fois, muttafaqun alayh. Et c'est un hadith rapporté par qui? Et musulman, mais c'est le rapporteur, c'est qui, le compagnon? J'ai entendu, il y en a, il l'a dit tout doucement, de manière cachée. Hein? Qui a rapporté de C'est Abdallah ibn Mas'oud. Et l'autre hadith qu'on a vu juste avant, c'est qui? Salama. Chérie, donc tu n'entres pas en conflit et tu ne fais pas de manifestation. شيخ دي ما تذهب تصادم وتعمل مظاهرات هل في الإسلام مظاهرات إذا قصر في الماء انقطع يوما قامت المظاهرات الآن الدول تعطي وما تأخذ أكثر الدول الآن تعطي للشعوب وما تأخذ منهم إلا القليل أما هؤلاء يأخذون ويستأثرون بالمال ما يعطون شيئا ويفقرونها لأنه إذا قال أخرجوا هلكت الأمة فما بقي إلا أن يرشدهم إلى التعقل والحلم والصبر والتريث من أجل الحفاظ على الإسلام والتعقل والصبر والتريث من أجل الحفاظ على الإسلام وحقن دماء المسلمين وصيانة أعراضهم تؤدون الحق الذي عليكم أدوا الحق الذي عليكم وتسألوا الله الذي لكم وقال للأنصار إنكم ستلقون أثرة بعدي الأنصار الذين قاتلوا معهم تبوؤوا الدار والإيمان جهدوا وناضلوا وفتحوا الدنيا ماذا قال لهم الآن جاء ناس يقطفون ثمار جهد الأنصار والمهاجرين. On va traduire cette première partie-là. Cheikh, il dit, donc tu n'entres pas en conflit, tu ne fais pas de manifestation. Il pose la question, il dit, y a-t-il des manifestations en islam? Si un jour il y a des manquements au sujet de l'eau, il n'y a plus d'eau, khalas, des manifestations prennent place. Maintenant, les pays donnent et ne prennent pas. La plupart des pays maintenant donnent au peuple et ne prennent d'eux que quelque chose de minime. Tandis que ceux-là prennent et gardent l'argent pour eux et ne donnent rien et les rendent pauvres. S'il avait dit « révoltez-vous », la communauté périrait. Il ne pouvait donc que les orienter à raisonner et à la sagesse et à la patience et à temporiser afin de préserver l'islam et à protéger le sang des musulmans et à protéger leur honneur. Acquittez-vous du droit qu'ils ont sur vous. Acquittez-vous du droit qu'ils ont sur vous. Et demandez à Allah votre droit. Et il dit aux Ansar, vous trouverez après moi une préférence. Les Ansar, les auxiliaires, imaginez-vous. Les Ansar qui ont combattu à ses côtés, alayhi salatu wassalam, ils se sont installés à Médine et dans la foi, et ont combattu, et ont lutté, et ont conquis le monde. Que leur a-t-il dit? Maintenant, il y a des gens qui récoltent les fruits des efforts des Ansar et des émigrés, les Muhajiroun. Et Cheikh, il dit, والآن جاء ناس يقطفون ثمار جهد الأنصار المهاجرين أسلم كثير منهم بعد الفتح منهم أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية وجاء أولادهم بارك الله فيكم استأثروا بالأموال هذه معاوية رضي الله عنه ما ندخله في هؤلاء لكن بنو مروان حصل عندهم ظلم وحصل عندهم شيء من الاستبداد وكانوا يؤخرون صلاة العصر ويؤخرون الصلاة عن أوقاتها وحصل عندهم خلل ومع هذا أدركهم الصحابة وكانوا يصبرون وجاءوا إلى أنس وقالوا الحجاج يفعل ويفعل ويسفك الدماء وينهب الأموال ويفعل ويفعل أشد من الحكام الآن الحجاج هؤلاء عندهم الأنظمة سواء من الشرق أو من الغرب لكن هو فوضوي يحكم بهواه فقط يسفك الدماء قال اصبروا لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه أمرهم بالصبر أخذ بتعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم التي يعرفها. Ça, c'est un point important que vous compreniez bien, que j'ai pas mal compris la parole du Cheikh ici. Il dit, maintenant, il y a des gens qui récoltent les fruits des efforts des Ansar et des émigrés, les auxiliaires et les Muhajiroun. Beaucoup d'entre eux se sont convertis après la prise de la Mecque. Parmi eux qui? Abu Sufyan, radiallahu anhu, et Muawiya, radiallahu anhu, arda. Puis leurs enfants sont venus, qu'Allah vous bénisse, et ont gardé l'argent pour eux. Alors ici, on ne veut pas comprendre qui parle de Muawiya ici, et d'Abu Sufyan. Hein? C'est pour ça que Cheikh, il est précis. Il a dit, Muawiyah, nous ne le faisons pas entrer avec ceux-là. Mais Banu Marwan, ce qu'on appelle Banu Marwan, avaient de l'injustice. Et ils avaient un peu de tyrannie. Ils retardaient la prière du Asr. Ils retardaient les prières de leurs heures. Et ils avaient un manquement. Et ceux-là, les compagnons qui ont vécu jusqu'à cette époque, et malgré cela, les compagnons qui ont vécu jusqu'à cette époque, ont patienté. Et ils sont venus chez Anas et lui ont dit, Al-Hajjaj fait ceci, et fait cela, et fait couler le sang. Et a fait main basse sur l'argent. Et il a fait, et il a fait. Vous connaissez le Hajjaj? J'étudie un peu l'histoire de l'Hajjaj. Il s'appelle Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. C'est quelqu'un de très injuste. Il a même tué certains parmi les salaf. Hein? Faut savoir ça. Hein? Et il a fait, et il a fait. Il a fait beaucoup de choses. Et il avait un général d'une armée qui est en dessous de lui. Et tous ils étaient sous le calife de l'époque, qui était qui? Abdul Malik ibn Marwan. D'accord? Il y avait le Hajjaj, et le Hajjaj il avait un général d'une armée qui s'appelait Ibn al-Ash'ath. Ibn al-Ash'ath et le Hajjaj ils se détestaient l'un l'autre. Hein? Ils se détestaient. Le Hajjaj, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Ibn al-Ash'ath avec l'armée, il les a envoyés combattre Rutbil, le roi des Turcs à l'époque était mécréant. D'accord? Il les a envoyés combattre. Ils sont partis, et sur le chemin, ils sont arrivés. À un moment où il y avait un grand froid, etc., il a décidé que les soldats se reposent là, qu'ils s'arrêtent là, le temps qu'ils se reposent et qu'ils repartent revigorifiés. D'accord? Quand il ferait meilleur, etc. Donc il a envoyé une lettre à qui? À Al-Hajjaj. Pour lui dire, voilà, qu'est-ce qui se passe avec... Parce que lui, c'est lui le général de l'armée, d'accord? Pour le tenir au courant. Al-Hajjaj, il a utilisé ça, pourquoi? Pour l'attaquer, parce qu'il se déteste. Qu'est-ce qui s'est passé? Al-Hajjaj, il a fait une khutbah dans ses soldats. Il a dit, regardez, qu'est-ce que Al-Hajjaj a dit sur vous? Vous êtes des peureux, vous êtes ceci, vous êtes des couards, vous êtes ceci, vous êtes cela. Hein? Ils ont décidé de quoi? De retourner l'armée vers Al-Hajjaj. Hein? Donc ils ne vont plus combattre le roi des Turcs, le mécréant Rutbil. Ils vont se retourner contre le gouverneur, Al-Hajjaj. D'accord? Le père de Al-Ash'at, il a fait une khutbah, il a dit, bien, tant qu'on s'est rebellé contre Al-Hajjaj, on va se rebeller contre celui qui a mis Al-Hajjaj en poste. C'est qui? Le calife, Abdul Malik ibn Marwan. Et à la coulée, en résumé, il est arrivé des fitaines et des grands combats entre les musulmans à cette époque. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup, beaucoup de gens. Ibn al-Ash'ath, il a gagné beaucoup de combats. Mais à la fin, c'est le Hajjaj qui l'a dominé. Hein? D'accord? Beaucoup de gens ont été tués. Le Hassan al-Basri, rahimahullah, ils l'ont forcé à prendre part. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, Ibn al-Ash'ath, ils ont dit, si tu veux que les gens sortent avec toi, il faut que Hassan al-Basri soit dans tes rangs. C'est un imam de la communauté. Le Hassan al-Basri, évidemment, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont attaché et l'ont emmené de force. À tel point qu'il s'est jeté lui-même dans le fleuve pour pas prendre ils l'ont repêché, ils l'ont remis sur la monture. Rahimahullah. Parce qu'ils ne voulaient pas prendre part à la fitna. Regardez les imams de la sunna. Et Ibn al-Ash'ath, il s'est rebellé. Et il y a une fameuse nuit qui a appelé par le nom d'un fleuve, Doujail, les lettres Doujail. Cette nuit-là, quand vous regardez dans Sir' Alam Numbala de l'imam Dahabi, rahimahullah, vous voyez qu'en fait, dans les biographies de certains grands imams, vous voyez qu'il a disparu la nuit de Doujail. C'est-à-dire qu'il y a certains imams de la communauté, on ne sait pas s'ils sont morts cette nuit-là ou nous, après, on n'a plus de nouvelles de cette nuit-là. Tellement grande était la fitna cette nuit-là. Ça s'appelle Laylat Doujail. Regardez le fitna que ça fait le khourouj, la rébellion, la révolte. Hein? Al-Hajjaj, il a fait ce qu'il a fait, et malgré ça, à l'époque, le sahaba qui est encore présent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, la réponse, elle est là. Pire que les gouverneurs d'aujourd'hui, le Cheikh Al-Hajjaj. Ceux-là ont des organisations que ce soit de l'Orient ou de l'Occident. Mais lui était anarchiste. Il gouvernait selon ses passions. Il faisait couler le sang. Il a tué beaucoup de gens. Anas, qu'est-ce qu'il a dit, radiallahu anhu arda? Patientez. Il n'y a pas une année qui arrive sans que celle qui la suive ne soit pire. Il leur a donc ordonné d'être patient. Il prit donc les orientations et les guidances qu'il connaissait du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, le sahaba. C'est ça, tamassouk bis sunnah. Même dans les temps de fitan. Il cite après le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, le hadith d'Umm Salama. Il cite un autre hadith. Et c'est le hadith d'Alqamah ibn Wa'il an Abih. Qala, sa'ala Salamatu ibn Yazid al-Ju'fi, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, faqal, ya Nabi Allah, ara'ayta in qamat alayna umara yas'aluna haqqahum, ويمنعونا حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه. سؤال خطير ما يحبه, سؤال صعب, سؤال صعب. ماذا يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قد يفهم القارئ من هذا القول أنه من قول أشعث بن قيس, فلو فرض أنه قل الأشعث. Je sais pas si vous avez la même édition que moi, mais il y a plusieurs fautes d'orthographe ici. Ici il y a الشعث, et avant il y avait une faute d'orthographe dans, il était marqué هم هم au lieu de ثم, et aussi il y a un alif avant ماذا يقول له يقول له, il y a un alif, faut le retirer ça aussi, une hamza là. C'est الأشعث. الأشعث فقد أقره الرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن السنة تقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، ولكن جاء من طريق أخرى بعد هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. Un autre hadith, une autre preuve sur l'obéissance au gouverneur, qu'il soit juste, obéissant, ou qu'il soit pervers et débauché. D'après Alqamah ibn Wa'il, qui rapporte que son père a dit, Salama ibn Yazid al-Ju'fi a questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez la question comme elle est claire, et la réponse comme elle est claire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô prophète d'Allah, vois-tu si nous venions à avoir des princes qui nous demandent leurs droits et ne nous donnent pas le nôtre, que nous ordonnes-tu de faire? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne lui répondit pas. Puis lui demanda encore, et il ne lui répondit pas. Puis lui demanda, et il ne lui répondit pas. Chers élus, c'est une question grave qu'il n'aime pas, une question difficile. Que va lui dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Al-Ash'as ibn Qais, il tira Salama et lui dit quoi? Écoutez et obéissez, car ils ne sont responsables que de ce qui leur a été donné comme responsabilité, et vous n'êtes responsable que de ce qui vous a été donné comme responsabilité. Alors maintenant, il y en a, il va venir, il va essayer de mettre une choubha. Ouais, ma akhi, c'est l'Ash'as ibn Qais qui a dit ça, c'est pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui a tiré, hein? Salam ibn Yazid al-Ju'fi, c'est vrai? Et c'est lui qui lui a répondu. Comment tu lui réponds, toi? Bien sûr. Non seulement taqrir, mais une autre riwaya, c'est la part du prophète Hassan lui-même, après. Hein, ils essayent, différents angles, hein? Ils essayent. Hein? Eh bien, Cheikh, il dit, il se peut que le lecteur comprenne de cette parole que c'est une parole qui est de l'Ash'ath ibn Qais. Si on admettait que c'est la parole de l'Ash'ath, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. Parce que si ce n'était pas vrai, le prophète ne va pas se taire. Et une règle, les ulama disent, « La yajouzu ta'khiru al-bayan an waqtihi. » Il est interdit de retarder la clarification en dehors de son temps. Le prophète, s'il entend quelque chose d'erroné, il va le dire tout de suite. Si on a admetté que c'est la porte de l'Ash'ath, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. Et vous savez que la sunna, ce sont les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi quoi? Ses actions et aussi ses approbations. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe ou qui est dit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuve, il ne dit rien. Eh bien, c'est quoi? C'est une sunna. Mais de plus, il a été rapporté d'une autre chaîne de transmission que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit après cela. Qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Sa propre parole maintenant. Hein, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: écoutez et obéissez, car ils ne sont responsables que de ce qui leur a été donné comme responsabilité, et vous n'êtes responsables que de ce qui vous a été donné comme responsabilité. Rapporté par Muslim, numéro 1846. Quel chapitre? Écoutez le titre du chapitre. Chapitre de l'obéissance au gouverneur, même s'il ne donne pas les droits. Donc vous voyez l'importance de l'ilm. Quand tu as l'ilm, on ne peut pas te mettre des choubouhat. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, il disait, la protection contre les péchés, c'est le taqwa. Et contre les choubouhat, c'est l'ilm. Et on va s'arrêter là-dessus. Et après, il y a encore un hadith d'Umm Salama, radiallahu anha wa ardaha. Puis encore un autre hadith. Encore quelques hadiths. Une explication de Cheikh Rabi', on va s'arrêter ça, puis après on rentre dans le chapitre qui a pour titre Al-Jihad ou Ma'adin ila yawm al-Qiyamati ma'al-Barri wal-Fajir. Inch'Allah, et ça ce sera pour le cours prochain. Je pense, Allah alim, qu'on n'aura pas encore pour le ramadan, parce qu'en général, à la mosquée ici, les cours sont arrêtés pendant le mois de ramadan. Hein? Donc je sais qu'on a eu, on n'a pas eu cours pendant très longtemps, mais. Alhamdoulilah, les gens en France et en Belgique aussi sont très demandeurs, et vous êtes venus ici, vous savez, c'est. Hein? J'espère que vous n'avez pas oublié la situation, hein, de nos frères et de nos sœurs dans ce genre de pays-là, et qu'Allah leur facilite. Hein? Et qu'Allah les garde fermes, et que nous garde fermes sur la sunna du prophète, jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a voulu participer à ce genre de conférence aussi. Et donc on a eu un cours aujourd'hui, c'était le 13e cours de Usul Sunna. On n'a pas terminé le chapitre, et Inch'Allah, on se tient au courant, soit via SPF Birmingham, le site, tu sais qu'il est en maintenance. Si vous avez été, les gens ont beaucoup demandé, ils ont été patients, mais on a des problèmes techniques. Alhamdoulilah, ça arrive à la fin maintenant, parce qu'en fait, on est en train de refaire tout le site. pour qu'il soit plus beau, plus pratique, etc. Et qu'il soit tout renouvelé. Sinon, il y a Twitter et SPF sur Twitter, etc. Et sinon, il y a pour les frères d'ici, je vais vous demander juste une chose, que vous notiez vos numéros de téléphone, votre nom, votre kunya, sur une feuille et qu'un frère après, on va lui donner la responsabilité de texter les frères parce que notre frère, qui était en charge de ça, il est parti, il a fait la hijra, alhamdoulilah. Hein, qu'Allah lui facilite. Il a fait la hijra, donc on va essayer de trouver quelqu'un qui va prendre la relève, inshallah. Donc vous notez vos noms, en tout cas le prénom, la kunya, hein, et votre numéro de téléphone, et comme ça on vous tient au courant de tout ce qui se passe, inshallah ta'ala. Wa jazakumullahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.